gâche notre vie. Buter les nuisibles. Ce petit enculé qui joue de la batterie, qui n'a aucune culture générale, qui bande que pour Parkway Drive, et pour sa gonzesse en plastique, et puis sa vie en plastique, et son boulot synthétique, et son argent chimique. Il s'étouffera un jour dans sa connerie, peut-être même avant qu'on le bute, ma chérie, en lui foutant ses baguettes de batterie dans l'anus, très profondément, jusqu'à ce que le bois de supermarché ne touche sa prostate d'enculé. Il hurlera de douleur comme hurlent les amateurs. Nous hurlerons de plaisir comme hurlent les martyrs. Notre vie coulera mieux, mon amour. Il faut buter les nuisibles, buter les nuisibles, les nuisibles qui gâchent notre vie. Buter les nuisibles, il faut buter les nuisibles, buter les nuisibles, les nuisibles qui gâchent notre vie. Buter les nuisibles. Et cette pétasse de surveillante qui te mène la vie dure, son cul à la maison, qui t'empêche de vivre, qui nous empêche d'aller cueillir les champignons. Elle aussi, à notre prochaine sortie aux champignons, on la fait venir avec nous. Une petite promenade, ça mange pas de pain, hein. Puis à coup de sécateur, on lui arrachera les yeux, puis les dents. Puis pour qu'elle arrête de crier, tu sortiras la graffeuse de ta poche. Quelques coups sur la bouche, les lèvres agrafées, mais les yeux arrachés, on n'aura plus qu'à la jeter dans la rivière. Tu sais, celle à côté de la maison. Non, sans avoir éjaculé au préalable sur son semi-cadavre en agonie. Puis notre vie coulera mieux, mon amour. Il faut buter les nuisibles, buter les nuisibles, les nuisibles qui gâchent notre vie. Buter les nuisibles, il faut buter les nuisibles, buter les nuisibles, les nuisibles qui gâchent notre vie.